les autres étrangers, notamment Abraham Ramirez Rituma, directeur et rédacteur responsable du quotidien Caliao du Pérou, ont fleuri et rendu hommage le 19 devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu.